France Culture, Christine Bernard. Une histoire particulière. C'est une histoire d'amour sur fond de mai 68. Stéphane Bonnefoy et Véronique Samuilov nous ont raconté hier celle de Gabrielle Russier. Elle, 32 ans, est une professeure de lettres brillante, promise à un poste à la faculté d'Aix-en-Provence. Lui, c'est Christian, 16 ans, son élève. L'idylle commence entre la classe de seconde et celle de la première. Ce n'était pas du tout une passion, c'était de l'amour. La passion, ça n'est pas lucide. Or, c'était lucide, a raconté Christian Rossi au Nouvel Observateur le 1er mars 1971. Ils vont s'aimer au rythme des manifestations de mai. Hélas, comme le dit la chanson, les histoires d'amour finissent mal, en général. Tout de suite, le second épisode. Tu es entrée dans la classe et j'ai vu tout de suite que tu n'étais pas comme les autres profs. Toute petite, les cheveux courts, la voix chauffée par la fumée des gauloises bleues, le regard chercheur, presque peureux. Tu nous as captés, captivés. Tu as mis à notre portée le programme de français de cette année scolaire 1967-1968. On était les adolescents de l'après-guerre, grandis avec le « peut-être » d'un monde nouveau, mais resserré, inhibé par les angoisses de nos parents. Nous, on n'avait pas le droit à la parole. On ne savait pas encore que ce droit allait éclater, quelques mois plus tard, au printemps, qu'un souffle de liberté allait s'engouffrer dans les rues de Marseille, jusqu'à notre lycée du quartier Nord. Tu nous l'as fait ressentir, tu nous y as préparé, tu nous avais déjà donné la parole, et pour quelques-uns, tu as changé nos vies, avant de te perdre toi-même dans la tornade. On lui reprochait deux choses différentes. Le premier reproche qui lui était fait, c'était de ne pas avoir avec ses élèves la bonne distance nécessaire, c'est-à-dire d'avoir des relations en dehors de l'établissement. D'aller, par exemple, voir des expositions, d'aller au cinéma, d'aller au sport d'hiver. La deuxième transgression qu'on lui a reprochée, c'était d'avoir une relation amoureuse avec un élève, parce que c'est quelque chose qui n'est pas censé se produire et qui est très clairement déconseillé, c'est une évidence. On n'entretient pas de relations privilégiées avec un élève plutôt qu'avec les autres. Gabrielle Russier, par-delà les barricades. Deuxième partie, une enseignante amoureuse. Un documentaire de Stéphane Bonnefoy et Véronique Samuilov. Chez toi, on s'asseyait par terre sur des coussins multicolores, cercle de poésie et d'amitié. On parlait, parlait et écoutait de la musique. Le regard droit de Che Guevara, affiché sur la porte d'entrée, validait la construction de nos utopies, de nos vies. Pudiquement, tu m'as expliqué ton histoire avec l'un d'entre nous, votre rapprochement discret pendant les manifestations, votre voyage en Italie. Pendant l'automne, nos parents ont gardé leur tolérance inquiète et encore autorisé nos allées-venues jusqu'à la tour, chez la professeure de français. J'ai été touchée par surtout tout ce qui s'est dit, tout ce qu'on a interprété, tout ce qu'on a sali de ce qui se passait entre ces deux êtres. Donc, Mireille Sifali. On disait qu'elle était manipulatrice, qu'elle était perverse. Non, c'était une enseignante avec la passion d'enseigner, dans un désir que ses élèves progressent. Et cette relation avec Christian, je crois que ne dépend pas forcément seulement des circonstances de mai 68, mais quelque chose a émergé là de ce qu'on peut appeler une rencontre. En novembre 1968, la bombe de la plainte contre toi pour détournement de mineurs a fait sauter leurs dernières interrogations, n'a laissé qu'un amas d'amertume et d'interdit. Anne, ancienne élève de Gabrielle Russier. C'était fini, sous les pavés, le pugilat. Explosé le cercle. Les ondes du choc se sont répandues dans chaque famille. Explosé ta vie. Tu es emprisonné au Baumettes en décembre 1968. Pour Christian et toi, suit votre impossible parcours. Tribunal, fugue, traque, procès, séjour forcé en clinique psychiatrique, appel à minima. Jean-Michel Royer, Radio Monte Carlo et l'actualité. Monsieur le Président, puisque vous avez permis qu'en fin de parcours, nous débordions un peu des questions fixées à l'origine, je voudrais vous interroger sur un fait divers. À Marseille, une femme, un professeur, 32 ans, est condamnée pour détournement de mineurs. Elle se suicide. Vous-même, qu'avez-vous pensé de ce fait divers qui pose, je crois, des problèmes de fond ? Georges Pompidou, 1969. Je ne vous dirai pas tout ce que j'ai pensé, d'ailleurs, sur cette affaire, ni même ce que j'ai fait. Quant à ce que j'ai ressenti, eh bien, comprenne qui voudra, moi, mon remords, ce fut la victime raisonnable au regard d'enfants perdus, celle qui ressemble aux morts, qui sont morts pour être aimés. C'est de l'éluard. Merci, mesdames et messieurs. On est en plein changement de régime, hein, en 1969. Comment interpréter l'attitude du président Pompidou, hein, qui a été élu en juin 69, Corinne Bouchou? Alors, l'attitude du président Pompidou est une attitude, on va dire, assez ambivalente. Il y a un très long silence et il va se mettre à réciter un poème d'Éluard, en fait extrêmement ambigu. Parce qu'en réalité, ce poème d'Éluard est un hommage aux femmes tendues à la libération. Et donc, c'est un message extrêmement confus, puisque en fait, il va en apparence prendre la défense de Gabrielle, une victime, et comprenne qui pourra. Et donc, la position du président Pompidou, elle va être d'une très grande ambiguïté dans cette affaire. Je pense qu'il y a eu un avant et un après Gabriel Russier, cette affaire. Mais c'est aussi parce que c'était un moment de transition. Claude Lelièvre, historien de l'éducation. Il y avait eu mai 68, cela avait été préparé par des profondes modifications dans l'attitude des jeunes. Donc, il y a eu un premier temps, après juste mai 68, sous le ministère d'Edgar Faure, qui a fait le choix d'accompagner en partie une modernisation du système éducatif et une modernisation sur le plan pédagogique, voire relationnel. Ça, c'est le temps Edgar Faure. Mais quand Georges Pompidou arrive, il met en place Olivier Guichard, et Olivier Guichard, pour Pompidou, doit remettre avant tout de l'ordre dans les lycées. Alors, de l'ordre, c'est sur tous les plans. Et au fond, on peut suspecter que le procureur Caleb, qui fait appel à minima, l'a fait plus ou moins à partir de réclamations ou d'observations du recteur Claude Franck au cours de la fête du 14 juillet 1969. Nous sommes donc au moment de la reprise en main, de la remise en ordre des lycées, qui aurait dit « Il n'y a plus de morale en France, il faut que cette affaire serve de leçon ». Anne, comment vous avez connu Gabriel Russier ? Donc, je l'ai rencontré à la rentrée scolaire 1967 au lycée Nord à Marseille, où j'étais élève en classe de première. C'était un lycée mixte, un lycée tout neuf, magnifique lycée à Marseille, qui dominait toute la rade de l'Estac. Donc, autant vous dire que les jours de Mistral, c'était absolument magnifique. Le ciel, la mer et le lycée, c'était vraiment extraordinaire. Pour moi, l'école était un échappatoire à l'atmosphère très pesante de la famille. Donc, magnifique cadre comme ça, ça faisait beaucoup de bien. Et là, j'arrivais en première. Donc, Gabriel arrive dans la classe. Ce qui était assez étonnant, déjà, c'est son apparence physique. Elle était petite, elle avait les cheveux très courts, ce qui était quand même très rare pour l'époque, une femme avec les cheveux très courts. Elle était en pantalon, elle était en jean. Et à ce moment-là, les pantalons étaient interdits pour les filles. Ou ça venait juste d'être autorisé, mais enfin, c'était quelque chose qui n'était pas du tout courant. Et elle arrive en jean, avec ses cheveux très courts. Elle s'assoit sur le bureau et elle a dit, je me souviens, on ne va pas remplir tout de suite les fiches de présentation d'identité. On va faire connaissance autrement. Elle nous a tout de suite fait comprendre que le programme était important, que c'était quelque chose qu'on devait faire, en nous expliquant surtout qu'on allait aimer apprendre, ce qui était une notion vraiment complètement nouvelle pour nous. Et Les professeurs nous appelaient par nos noms de famille et nous vous voyaient. Et elle, non. Elle nous a tout de suite appelés par nos prénoms et tutoyés. Et surtout, ça passait, il me semble, par l'intérêt qu'elle avait pour nous. C'est-à-dire, on était des personnes. Donc, ce qui fait qu'à ce moment-là, elle nous connaissait en tant qu'élève, mais aussi en tant que jeune. Elle avait, donc, parce qu'on pouvait se confier, même si elle ne cherchait pas forcément à avoir des confidences, ça venait naturellement. Gabriel, nommé professeur dans les grandes classes d'un lycée mixte, s'est donné sans réserve à ses élèves, a établi avec eux les liens les plus personnels. Raymond Jean, pour Gabriel, 1970. Et dans le cadre de ces échanges, a inspiré à un lycéen de 17 ans un amour partagé qui, les circonstances aidant, s'est transformé en une liaison précise et durable qu'elle entendit maintenir contre vents et marées. Liaison forcément scandaleuse vue du dehors, mais ressentie comme innocente et acceptable par ceux qui la vivaient du dedans, les intéressés et l'ensemble de la collectivité témoin, la classe. Les parents de Christian, hein, c'est des propos rapportés par Raymond Jean, accusent Gabriel Russier d'envoûtement, d'emprise pernicieuse sur son fils. C'est pas innocent tout à fait ces accusations, Claude Lelièvre. Oui. Alors c'est des accusations très intéressantes parce que au fond, y a ceux qui sont partisans de l'attitude magistrale d'exposer le savoir sans s'exposer soi-même. Ça, c'est la tradition. Et il y a ceux qui considèrent qu'il faut justement susciter l'attention, mobiliser les énergies, avoir un regard positif vers le sachant et le savoir. Et du coup, l'accusation va être celle de l'envoûtement ou du gourou. Comme si on n'avait pas le choix entre soit l'exposition du savoir magistral, soit... Alors, le gourou animateur qui manipule et qui éventuellement profite. Il n'est pas faux de dire qu'à travers Chris, elle épousait sa classe. Pour Gabriel, Raymond Jean. Ce genre de délégation de sentiments est évidemment caractéristique d'un univers d'adolescents où les transferts affectifs se réalisent spontanément, où les tensions individuelles s'abolissent dans une symbolique collective et où surtout l'on respecte l'amour. Sans doute, s'explique par là le curieux culte de Gabriel et de Christian qui s'instaura alors et dure toujours. Et je songe à ces inscriptions anonymes à la craie que l'on a trouvées après la mort de Gabriel sur la porte de son appartement du 11e étage de la résidence Nord à Marseille. Tu vivras, gatito immortel. La tradition française dans le secondaire est une tradition très disciplinaire. En gros, on est professeur d'histoire géo, on est professeur de physique, on est professeur de spécialité. Celui qui a plusieurs spécialités est déjà considéré comme douteux. Donc, on est un professeur si on maîtrise avant tout une discipline en France. Et donc, toute tentative de dire qu'il y a des choses au moins aussi importantes que la transmission disciplinaire et académique du savoir apparaît comme une atteinte, au fond, à la qualité du savoir. On peut comprendre facilement que la question relationnelle est déjà en elle-même sans le souffle. Alors, les relations de type sentimental ou sexué, encore plus. Le savoir est considéré comme sans sexe. Jusqu'à présent, madame, j'ai fermé les yeux. Je vous ai laissé appliquer vos méthodes. Les discussions au café, les sorties le dimanche, les réunions chez vous. J'ai omis, jusqu'à présent, de vous rappeler que vous étiez un fonctionnaire d'autorité. Cela signifie que l'autorité fait partie de votre fonction. Cette autorité, jusqu'à présent, vous vous contentiez de la gaspiller. Et maintenant, vous en abusez. Vous n'hésitez pas à loger chez vous un de vos élèves. Cela, je ne le supporterai pas. Il faut que vous partiez, madame. Que vous demandiez votre changement. Je ne le demanderai pas. Sanctionnez-moi, si vous l'osez. Ma vie privée ne regarde personne, ne dérange personne. J'ai d'excellents résultats. Et mes élèves ne sont pas scandalisés. Et leurs parents ? Leurs parents non plus. Vous croyez ? Arrive mai 68. À ce moment-là, l'école s'arrête. C'est-à-dire, on n'a plus cours, c'est le bazar complet partout, dans les rues, dans la ville. Voilà. Et moi, de mon côté, je ne suis pas autorisée à aller dans la rue, à aller manifester. Si, je me suis un peu assise dans la cour du lycée. Rien que ça, c'était déjà génial, quoi, de s'asseoir par terre. C'était un truc vraiment, vraiment super. C'est à peu près ce que j'ai fait, c'est tout. J'ai su plus ou moins que c'était pas, il y avait pas que elle, il y avait aussi d'autres profs qui allaient manifester avec les élèves dans les rues de Marseille. Ça, je l'ai su plus ou moins, mais je l'ai pas vécu. Donc, l'école après reprend K1-K1 en juin et l'année scolaire se termine. Et le hasard fait qu'un jour, je sors de chez moi, donc j'habitais Résidence Nord dans le 15e arrondissement à Marseille, et je la vois qui était en train d'aménager dans le bâtiment à côté. Et alors là, je suis très étonnée, très contente, et j'attends quelques temps, et j'ose monter, je vais la voir, et en cachette de mes parents. Là, on reprend contact tout de suite, on discute beaucoup, et elle me raconte tout ce qu'elle a fait avec ses élèves de seconde pendant les manifestations, etc., et son histoire avec Christian. Au printemps, de quoi rêvais-tu ? Vieux monde clos comme une orange. Faites que quelque chose change. Et l'on croise des inconnus riant aux anges. Au printemps, de quoi rêvais-tu ? C'est une histoire d'amour. Michel Viau, qui a recueilli Christian Rossi entre 1969 et 1971. Gabriel Russier se serait pas lancé dans une affaire sordide. C'était pas du tout son genre. Non, il y avait une histoire d'amour, mais effectivement, le problème posé, c'était le problème du professeur et de l'élève. Seulement, là aussi, je dis que le regard des juges doit aussi tenir compte des réalités, en ce sens que Christian Rossi, il avait peut-être 17 ans, mais il en faisait facilement 23 ou 24, et Gabriel avait 32 ans, mais elle en faisait 25. Bon, ça aussi, ce sont des réalités qui comptent. Au printemps, de quoi rêvais-tu ? Il se trouve qu'à 17 ans, Christian a l'air d'un homme. À mon avis, au physique et au moral. Je n'insisterai pas sur son apparence de grand garçon barbu. Et je parlerai peu de son caractère que je connais mal. Raymond Jean, pour Gabriel, 1970. J'indiquerai pourtant que militant d'extrême gauche, et notamment de ce qui était à l'époque la jeunesse communiste révolutionnaire, il s'est à ce titre défini comme un garçon engagé et responsable. Il est très facile de dire d'un tout jeune homme qu'il est un gamin. Mais on sait depuis mai 68 que les gamins d'aujourd'hui voient souvent plus loin que leur père. Certes, il était encore un enfant et peut-être fallait-il en effet le défendre de lui-même et le préserver. Était-ce le préserver que de le mettre sur le conseil d'un juge, dans une maison de rééducation, puis sur celui d'un médecin, dans une cellule de clinique psychiatrique, de le livrer aux piqûres et aux cures de sommeil ? Le sociologue américain Talcott Parsons dit: une socialisation scolaire réussie suppose que l'élève aime l'enseignant ou l'enseignante. Claude Lelièvre. Travaille pour en être aimé. Mais, dit-il, elle exige surtout que l'élève comprenne finalement qu'il ne sera jamais aimé par l'enseignant et qu'il doit aimer ce que l'enseignant ou l'enseignante aime, à savoir le savoir, la raison, le beau. C'est ce que j'appelle un détournement de mineur. Mais c'est un détournement de mineur pour la bonne cause. Enfin, la bonne cause du savoir, de la raison et du beau. Alors, manifestement, Gabriel Russier, de ce point de vue-là, était dans un entre-deux. Elle faisait tout pour que ses élèves l'aiment, aiment ce qu'elle aimait, mais il y en a un qui a non seulement aimé ce qu'elle aimait, mais elle-même. Voilà un petit problème quand même qui se pose pour tous les psychanalystes et tous les éducateurs, c'est-à-dire de travailler sur la question du désir, du plaisir. est la question du passage à l'acte. Je pense que quand on est dans cette posture de prof, et je l'ai été aussi, et donc il y a aussi des étudiants qui, étudiantes, qui sont tombées amoureuses de moi, plutôt des femmes qui l'ont exprimé, je ne sais pas pour le masculin. Mireille Cifali. Mais j'ai toujours respecté ces sentiments et je les ai accompagnés jusqu'à que parfois ils se transforment en amitié. Et je pense que c'est ce parcours-là que Gabriel a fait avec certains. C'est vrai que moi, j'ai toujours dit que le professeur a une responsabilité, qu'il ne doit pas jouer avec sa séduction, qu'il y a un interdit de sexualité, parce que, en fait, s'il y a des relations privilégiées avec quelqu'un, ça va défaire le groupe classe. Or, d'après ce que dit Raymond Jean, toute la classe a protégé cet amour. Donc le groupe était heureux que cet amour existe. Ça veut dire qu'il voyait que dans Gabriel Roussier, c'était pas quelqu'un de destructeur. La destruction est arrivée par la réaction de, disons, de la société, de la justice. Et je crois que Christian dit que c'était un amour et pas une passion. Et je crois que ça, c'est extrêmement important. Maintenant, qu'est-ce qui s'est joué au niveau du procureur, des autres, ça on ne saura jamais. Mais on pourrait aussi parler du transfert qu'ils ont fait, eux, et du transfert de haine. Tout l'acharnement au niveau de l'université, elle n'aurait pas de poste, elle ne pourra... C'est toute sa vie qu'on a détruit, alors qu'il ne s'agissait pas ni d'un viol, ni de choses pornographiques. C'était un amour. Et on voit bien que cet événement-là et la mort de Gabriel a été un trauma, je crois, pour toute une génération et pour les familles. La culpabilité, la responsabilité, ça a échappé. Bon, Raymond Jean dit que Gabriel Roussier, ce qu'on lui a fait payer, c'est qu'elle a été frontale. Elle a été dans cette posture que nous avons été beaucoup en mai 68, d'intransigeance. Elle n'a pas pris la posture de victime. Monsieur le juge, je voudrais vous poser une dernière question. Le jour où vous avez appris la mort de Gabriel Roussier, qu'est-ce que vous avez ressenti? Juge Bernard Palanque, 1971. En votre âme et conscience, comment? Mais quand vous apprenez la mort de quelqu'un, vous n'avez pas le sourire. Et même aujourd'hui, je tiens à vous dire que c'est difficile d'exprimer ce qu'on vous ressent lorsque soi-même on est intervenu, que l'on a connu quelqu'un qui n'a pas du tout compris le rôle que voulait jouer l'instruction. Gabriel pensait que j'intervenais dans cette affaire par animosité, alors que je ne pense pas qu'un juge d'instruction comme moi ait agi par animosité. Et quand vous pensez que quelqu'un seul s'est retrouvé un soir et s'est suicidé, ben c'est triste. Je ne veux pas dire plus, je n'ai pas à exprimer autre chose. Qu'est-ce que vous voulez que je dise? Il faut quand même marquer ce qui avait été assez exceptionnel, c'est que le jugement qui avait été prononcé au départ était relativement en retrait par rapport aux craintes de Gabrielle Roussier elle-même, puisque c'était un emprisonnement avec sursis et 500 francs d'amende, et il n'y avait pas inscription au casier judiciaire, donc elle pouvait tout à fait rester enseignante et avoir encore des espoirs d'avoir un poste à l'université. Or, manifestement, le recteur de l'époque s'est mis en travers, le procureur a fait appel immédiatement une demi-heure après, ce qui montre quasiment un montage vraisemblable du recteur et du procureur pour vraiment rétablir l'ordre après les événements de mai 68. Donc c'est en décembre 68 que les choses aussi évoluent pour Gabriel, avec les premières plaintes, mais aussi pour vous, Anne. Oui, du coup, la situation devenant vraiment très compliquée, mon père décide de m'enlever de là, et pour plus que j'y aille, pour que m'éloigner. Et je pense que c'était vraiment, c'est vrai, vouloir nous écarter d'une influence qu'ils jugeaient néfaste parce que trop de liberté, d'un coup. À un moment, ils ont même dit qu'on se droguait, pour vous expliquer leur parano et tout ça, alors que c'était absolument pas le cas. Et après arrive la plainte des parents et de Christian, et mon père et les autres parents des autres jeunes qui se réunissaient chez elle, voilà, la passe à la vitesse supérieure, et ça devient vraiment beaucoup plus lourd et pénible. Et elle, pendant ce temps, on la voit beaucoup plus soucieuse, beaucoup plus grave. On sentait que du coup, cette histoire devenait un combat contre la société et contre les parents. Ça se sentait, ça venait doucement. Mais à ce moment-là, mon père a décidé de me faire partir et m'a envoyé chez quelqu'un de ma famille à Lyon. Je suis partie et je ne l'ai plus jamais revue. Tant qu'ils sentiront que je t'aime, ils ne me lâcheront pas. Je veux que tu sois libre. Je veux que tu choisisses ta vie. Alors, on se bat ? Oui. Jusqu'à ce qu'ils cèdent ? Jusqu'à ce qu'ils cèdent. Je me suis un petit peu renseignée parce que je travaille encore sur l'affaire Gabriel Russier. Et aujourd'hui, très clairement, il y a plein de choses qu'on aborde, mais ça reste un tabou. C'est-à-dire que d'une phrase, on dit évidemment, on ne devient pas ami avec ses élèves et on ne tombe pas amoureux de ses élèves. Et ensuite, on continue, on passe à autre chose. Et donc là, il me semble y avoir quand même, une forme d'inconscience collective. Puisque on sait bien que lorsqu'il y a un collectif d'êtres humains, il y a bien sûr des relations professionnelles, mais il y a aussi des relations humaines et affectives et amoureuses qui peuvent se nouer. Et à cet égard, on peut peut-être se dire qu'on n'a pas assez tiré profit d'un point de vue historique du drame de l'affaire Gabriel Russier, et on aurait pu peut-être, de manière construite, de manière intelligente, dans les espées, à la fois raconter cette histoire et puis voir ce qu'elle dit aussi de ce que c'est qu'être enseignant. J'ai su qu'elle était retournée au Beaumet une deuxième fois. Là, elle m'avait écrit une lettre, mais elle essayait toujours de garder de la lucidité et surtout de toujours dans une relation d'aide, en tous les cas avec moi, c'est-à-dire toi, passe ton bac, fais ta vie, fais des études. Moi, ça va aller, enfin, en résumant rapidement. Et je savais pas qu'elle était si seule, parce qu'en fait, tous les jeunes, il s'est passé ça, tous les jeunes ont passé leur été, un en train de travailler, un autre en vacances, je sais pas où. Et donc, voilà, il s'est passé ce qui s'est passé en septembre. Mais il y avait plus personne autour d'elle. En fait, mon père, c'est lui qui m'a averti donc de son suicide à la fin de l'été 69. Il m'a dit, écoute la radio, parce que c'est devenu très, très rapidement, un événement très, très médiatisé, repris par le président de la République, etc., etc. Et je ne savais pas du tout qu'elle était vraiment en si grande détresse, ni même qu'elle avait reçu un courrier de l'Éducation nationale qui la radiait définitivement. Enfin, voilà, tout ça, je ne savais pas. Gabriel Russier, par-delà les barricades. Fin de la deuxième partie, une enseignante amoureuse. Avec Anne, Corinne Bouchot, Claude Lelièvre et Mireille Sifali. Extrait de Mourir d'aimer, réalisé par André Cayatte, 1971. Lecture de Pour Gabriel de Raymond Jean par Patrice Bornand. Documentaliste Anne-Lise Signoret. Archive INA, Viviane Lefebvre et Sandra Escamez. Prise de son, Sandrine Malon, Nasser Moussaoui, Youtou Diego Aclopès. Mixage, Catherine Dereté. Coordination, Christine Bernard. Un documentaire de Stéphane Bonnefoy, réalisé par Véronique Samuilov. Une histoire particulière, c'est fini. Demain, lundi et toute la semaine, retrouvez dès 13h30 Sonia Kronlund dans Les Pieds sur Terre pour d'autres histoires vraies. Et moi, je vous retrouve samedi prochain. Nous ferons des gammes. Do, ré, mi, fa, sol, la, si, do. Mais c'est une autre histoire.